Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La star du théâtre radiophonique Nindé, Adrienne Nahimana, a été inhumée ce mercredi en commune Guéta de la province Gitega. Celui qui a représenté la radio-télévision nationale du Burundi a reconnu qu'il sera difficile de la remplacer, tellement son talent reste inégalé. L'exécution du budget programme nécessite la mise en place d'un bon leadership politique. Vous entendrez l'analyse d'un expert en économie, Christian Sissao, il est burkinabé. Il était conférencier lors d'une retraite gouvernementale de 2 jours clôturée ce mardi soir. Et la construction du stade de football à Gasaka Dongozi vient de faire 12 ans. Son achèvement est envisagé en 2025. Et l'on a encore besoin de 600 millions de francs burundais qui s'ajoutent aux 3 milliards et demi initialement prévus. Notre correspondant nous en parlera. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Inhumation ce mercredi de l'une des icônes du feuilleton Nindé, feu Adrienne Nahimana en commune Guéta, province Gitega. Le serviteur de Dieu a, dans son homélie de circonstance, signifié que le pays et l'Église viennent de perdre un grand personnage qui donnait des enseignements riches dans l'humour. Pour celui qui a représenté la radio-télévision nationale du Burundi, il ne sera pas facile d'avoir une remplaçante de taille. Pour plus de détails, nous appelons notre correspondant Gérard Niwigila qui était à ces cérémonies pour le compte de la radio-télévision Isanganiro. Feu Adrienne Nahimana est l'une des initiateurs du feuilleton Nindé en 1980. Elle a été dignement enterrée ce mercredi tout près de la paroisse Murayi en commune Guéta, province Gitega. Au cours de la messe de requiem de cette circonstance, le curé de la paroisse Murayi, abbé Olivier Nambaga, a dans son homélie mentionné que la disparition de Feu Adrienne Nahimana constitue une grande perte pour sa propre famille, pour la paroisse Murayi en particulier et l'église catholique du Burundi en général et pour le pays. Pour cet homme d'église, Feu Adrienne Nahimana transmettait de très bons messages riches d'enseignements au sein du feuilleton Nindé et cela dans un style humoristique à nul autre pareil. À lui donc de continuer en expliquant que le pape François a précisé que quelqu'un qui donne des enseignements riches et humoristiquement fait preuve de sainteté. S'ils sont, il tranquillise en disant que Feu Adrienne Nahimana est allé au ciel. De son côté, Jonas Ndikumuremyi, qui a représenté la radio-télévision nationale où passent les séries du feuilleton Nindé, a dans son allocution fait savoir que Feu Adrienne Nahimana prestait de manière excellente et qu'il sera ainsi difficile de trouver une remplaçante de taille. Et ceux qui adoraient sa manière de jouer au feuilleton Nindé indiquent qu'il pleure toujours sa mort, qu'il regrette par ailleurs. Vous saurez que Feu Adrienne Nahimana est veuve depuis 2015. Elle est décédée le 18 janvier 2024 à l'âge de 67 ans pour avoir été né en 1957 à la colline Gweru, commune Guéta, province Gitega. Elle laisse 5 enfants, dont un qui a déjà rejoint le groupe du feuilleton Nindé. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. L'Association pour la consolidation de la paix au Burundi, ACOPA, demande qu'il y ait concertation entre toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, pour donner leur contribution dans la mise en place du code électoral. Isaac Bakaniwona, représentant légal de cette association, insiste sur la nécessité de la présence des observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux, lors des prochaines échéances électorales. Suivez-le. Il faut d'abord qu'il y ait un code électoral. C'est l'outil principal pour l'organisation des élections. C'est à base de cœur qu'on va élaborer la loi communale, faire la cartographie électorale, mettre en place les démembrements de la CENI, établir le calendrier électoral et déterminer le coût du processus électoral, le coût, je dirais, déterminer le budget suffisant pour le personnel, pour le matériel et autres besoins pour le bon déroulement du processus électoral. Il faut créer une concertation entre toutes les parties prenantes au processus électoral. Il faut que la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses ou autres partenaires aux élections, il faut qu'ils soient consultés pour donner des contributions. Les observateurs électoraux jouent un rôle très important, je l'ai dit, pour la crédibilisation du processus électoral, ils peuvent aussi jouer un rôle de conseiller, ils peuvent aussi jouer un rôle d'éducateur civique et d'éducateur électorale pendant, avant, pendant et après les élections. Les observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux, jouent un rôle très important pour la crédibilité du processus électoral. La suite de ce journal, pour bien exécuter le budget programme, le gouvernement devrait mettre en place un leadership politique très marqué. Conseil d'un spécialiste en gestion des finances publiques qui était parmi les conférenciers lors d'une retraite gouvernementale de 2 jours et qui a été clôturée ce mardi soir. Christian Sissaouo, c'est de lui qu'il s'agit, il indique que si le budget programme est bien établi, il doit fortement contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques. Il demande au gouvernement burundais d'associer ses partenaires dans son exécution. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. À l'issue de cette formation, le ministre des Finances nous a invités à participer au séminaire gouvernemental portant sur la réforme du budget programme. C'est à ce titre, nous sommes intervenus pour contribuer avec les autres acteurs qui sont intervenus au cours de cette retraite pour clarifier un peu tout ce qui concerne le processus de préparation, de mise en place de la réforme du budget programme. Et quel est l'état de l'exécution de ce budget programme ici au Burundi? La particularité de ce que nous avons vu ici, fort de notre expérience dans plus d'une quinzaine de pays, en Afrique et ailleurs, c'est l'engagement très fort du chef de l'État par rapport à la mise en place. Et cette réforme du budget programme, c'est une réforme de grande ampleur qui ne peut pas se faire uniquement au plan technique. Il faut un leadership politique très marqué. Et c'est ce que nous avons remarqué ici, où du chef de l'État, au premier ministre, au vice-président, au ministre, tous se sont engagés vraiment dans la mise en place de cette vaste réforme du budget programme. Peut-être qu'il y a lieu de relever, de clarifier en quoi cette réforme est si importante pour le pays. Parce que le budget programme en tant que tel, c'est un outil qui va fortement contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques, particulièrement la gestion de la dépense publique, de telle sorte que la dépense publique ait beaucoup plus d'impact direct sur les conditions de vie de la population. C'est ça le véritable enjeu qui tourne autour de la mise en place de cette réforme du budget programme. Ce que nous avons relevé ici au cours de la formation, c'est que c'est une technique de budgétisation qui est très ambitieuse et qui demande nécessairement du temps pour être mise en place parce que ça concerne d'abord le changement de mentalité des acteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'il faut mettre en place, il y a des capacités qu'il faut renforcer, il y a des textes juridiques qui sont à mettre en place et tout ce arsenal doit être mis en place pour que le budget programme soit vraiment une réalité effective. Christian Sissaouo, burkinabé, spécialiste principal en gestion des finances publiques, également conseiller principal de la direction générale de l'Institut Compass. Isanganiro, la radio de l'avenir. La construction du stade de football à Gasaka Dongosi, dont le budget s'élève à 3,5 milliards, a encore besoin de 600 millions de francs burundais et plus pour être achevée. Innocent Zopfubusa, conseiller du gouverneur en charge du développement, qui le dit, indique que ce budget pourrait être revu à la hausse d'environ 3% suite aux travaux de couverture de 2 autres tribunes sur les 4 casse au stade. Ce conseiller promet que la fin des travaux qui viennent de durer 12 ans est projetée à 2025. Apollinaire Mutsagara. Comme l'annonce Innocent Zopfubusa, conseiller du gouverneur en charge du développement, il ne reste que 19% des 3,5 milliards destinés à la construction de ce stade pour être achevé, soit 675 millions de francs, une somme qui pourrait augmenter suite aux nouveaux travaux de couverture de 2 autres tribunes, travaux qui n'avaient pas été prévus à sa conception. Ce stade, dont les travaux ont débuté il y a 12 ans, sera achevé en 2025, indique son conseiller du gouverneur de la province Ngozi, même s'il n'y a pas d'après lui, de fonds propres destinés à sa construction. Selon Innocent Zopfubusa, la construction de ce stade est possible grâce aux contributions non régulières de la population de cette province et de ses partenaires au développement. Ce stade sera très bénéfique à la population, car d'après lui, en plus des jeux, il possède des salles de réunion pour plus de 1200 personnes, 50 bureaux, boutiques et autres services. Le seul problème qui hante les responsables de cette province est le manque de tapis synthétiques, mais son conseiller indique qu'ils sont en train de toquer ici et là pour l'avoir. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Retour en mairie de Bujumbura où certains habitants des quartiers sud de la zone Kanyosha qui attendent les bus de transport à la 7e avenue réclament un parking qui leur soit propre pour faire la liaison Kanyosha-Ville. Et pour cause, celui qui avait été créé est devenu presque exclusivement réservé aux bus et taxis-voitures faisant le transport de Kanyosha vers les marchés Bujumbura City Market et celui d'Ikotebu. Ces personnes affirment qu'ils éprouvent beaucoup d'ennuis pour se déplacer, surtout pendant les heures matinales. Un reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Nous sommes en zone Kanyosha, entre la 6e et la 7e avenue. Chaque matin, on y voit des colonnes de gens qui attendent les bus qui les amènent à leur poste d'attache au centre-ville de Bujumbura. Ils disent que trouver le moyen de déplacement, surtout les heures matinales, est casse-tête. Car les conducteurs des bus Quaster prennent décision d'embarquer les clients qui vont loin du centre-ville pour gagner beaucoup. Nous attendons les bus depuis 6h du matin, mais nous les voyons passer en destination des marchés dits chez Sion et Kotebu. Nous sommes obligés de payer 1300 et les dépenses sont énormes. Je me rends en ville, mais il n'y a aucun bus. Je suis obligé de prendre celui qui va au marché chez Sion. Les chauffeurs de bus Quaster ne font que spéculer en se basant sur la flambée des prix des produits pétroliers et prennent la décision d'embarquer seulement ceux qui font de longs trajets. Les passagers qui devraient payer 650 francs pour le trajet Kanyosha-Ville sont obligés de payer 1300 francs pour arriver à temps au travail, une perte totale. Selon toujours. C'est pourquoi ils demandent à tous ceux dont le transport rentre dans leurs attributions de tout faire pour que le parking Kanyosha-Ville soit créé. Nous voulons qu'il y ait un parking ici à la 7e avenue comme avant. Nous voulons qu'il y ait un parking ici pour que ça nous facilite à nous rendre à nos postes d'attache. Si une fois le bus faisant le trajet Kanyosha centre-ville à Paris, les passagers se bousculent et monte dans ce bus le plus fort. Celle ou celui qui n'est pas costaud doit attendre des heures et arriver tardivement au travail, ce qui peut créer un conflit entre l'employé et son employeur. Évariste Nzikobanyanga. On reste à Kanyosha pour vous dire qu'une personne a été retrouvée morte tout près d'un transformateur électrique placé à même le sol en zone urbaine de Kanyosha, je le disais. C'était la petite matinée de ce mercredi. Des sources sur place indiquent que la victime, qui était veilleur à la station Prestige, a été électrocutée quand il se soulageait sur l'appareil. L'administrateur communal de Moua demande à la régie des eaux de placer ce transformateur à une hauteur non accessible par les passants pour limiter ce genre d'accident mortel. Reportage Placide Niyomongere. Ce corps a été retrouvé tout près du transformateur électrique implanté par terre et protégé par des fils dans un endroit de l'ancien cimetière dit Kunyabaranda, appelé communément Kumusufe, tout près de la route nationale menant vers la province Rumonge dans la zone Ibene de Kanyosha. Des sources sur place précisent que le disparu, qui était veilleur à la station dit Prestige Energy, était connu sous le nom de Jean-Marie, originaire de Rumonge. Ses collaborateurs témoignent avoir passé le soir avec lui jusqu'aux environs de 22h ce mardi. Il était veilleur sur la station d'ici à côté. Nous étions avec lui à 22h en train de manipuler le téléphone et nous nous sommes séparés vers 22h30. Ce matin, mon collègue est venu me dire qu'une personne qui travaillait à la station est morte tout près du transformateur. Je me suis précipité et je trouvais qu'il s'agit de la personne avec qui on échangeait hier. Des sources sur place indiquent que la victime serait morte étant en train de se soulager tout près de ses installations. Ses collègues qui tiennent compte des traces sur son corps indiquent qu'il serait mort électrocuté. Nous l'avons trouvé sa jambe électrocutée et son bras aussi tourné dans un autre sens. C'est très regrettable. Les habitants qui côtoient cet endroit, de même que l'administrateur communal de Muha, Devote Ndaisenga, déplore que ce transformateur électrique ait été installé par terre et par la société Régie des Eaux et demande qu'il soit placé à une hauteur non accessible par les passants afin de limiter des dégâts. C'est vrai, ce transformateur se trouve par terre, ce qui veut dire qu'il peut causer d'autres morts. Nous demandons avec insistance à la régie des eaux de faire le tout possible pour le placer à une hauteur non accessible par les passants et, si possible, le clôturer pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. L'administrateur de la commune Ibn Doumoura demande à la population d'être toujours attentive et de limiter des mouvements dans ces endroits abritant des installations électriques avant que la régie des eaux agisse en vue de sécuriser la population. Et certains hommes mariés à des femmes exerçant le commerce ambulant témoignent que leurs conjoints les aident à subvenir aux besoins familiaux. Ils estiment que leurs épouses devraient inspirer celles qui n'ont pas d'emploi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. C'est la voix de Kanabazi, père de 5 enfants. Sa femme exerce le commerce ambulant des archides et manioc dans les différents endroits stratégiques se trouvant au quartier nord de la ville de Bujumbura. Il témoigne que son conjoint l'aide à subvenir les besoins familiaux, notamment dans le paiement des frais de scolarisation de leurs enfants. Il ajoute que souvent cette femme donne du ration lorsqu'il s'observe la pénurie du carburant, du fait que Kanabazi conduit la voiture de marque taxi qui exerce le transport en commun à mairie de Bujumbura. Le métier du commerce ambulant est également apprécié par les parents qui ont des enfants qui font ce commerce. L'une d'entre elles, rencontrée dans le quartier Mirangos, se trouva dans la zone Ibn Kamenge, témoigne que sa fille est vendeuse des fruits et devenue responsable du ménage du fait qu'elle paie mensuellement le loyer et la nourriture qu'il consomme chaque jour. Quant aux voisins de ces femmes qui exercent le commerce ambulant, précise qu'elles jouent un grand rôle dans la société tout en demandant aux autres femmes qui n'ont pas d'emploi de s'impliquer dans le commerce ambulant. Parle, rassure-moi. La connaissance de la vérité sur un passé douloureux soulage l'auteur et les rescapés de ce passé, selon les habitants des communes Ruyigi et Butaganzwa de la province Ruyigi. Cela permet à leur progéniture de vivre en paix. L'administration communale et le diocèse de Ruyigi appellent d'autres à emboîter le pas à ces familles pour avancer ensemble et espérer en plus jamais ça. Mireille Kanyang. Karama et Bihogora habitent tous en commune Ruyigi. Ils sont respectivement âgés de 63 ans et 54 ans. Ils se sont réconciliés après que Karama ait reconnu avoir tué les parents de Bihogora et ont demandé publiquement pardon. Pendant la crise de 1993, j'ai été parmi ceux qui ont massacré les Hutus. J'ai tué le père et la mère des victimes, comme par exemple mon confrère Bihogora Isaac. Après la crise, j'ai regretté de la position que j'ai prise et j'ai essayé de demander pardon à la famille victime, et ce pardon m'a été accordé en 2017. De son côté, le représentant de la famille Bihogora affirme que ce geste de repentance de cette autre famille les a réunis. Suite aux sensibilisations, des familles de la commune Butaganzwa dans cette province de Ruyigi ont aussi emboîté le pas au premier. C'est notamment Abraham Ndikumana et Hélène Bamboneyeho. La reconnaissance de ces actes dans le passé rend libre et intègre, selon Abbé Bernard Chubga de la Soprade Caritas Ruyigi et de Justice et Paix. C'est une organisation qui aide ces familles à se réconcilier. Le fait de demander pardon, le fait d'accorder le pardon, on devient intègre, on devient libre. Donc moi je demanderai alors à ces gens-là, plutôt et aussi d'entrer dans le processus. Demander pardon et accorder le pardon, et c'est se libérer. Réellement, quand même on ne pourrait pas se dénoncer aujourd'hui. Ils sont connus. Lorsque viendra la justice, ils seront plutôt les premiers à être mis en prison. Pour l'autorité communale de Butaganzwa, Isaïe Nibitanga, secrétaire exécutif et permanent, affirme que le pardon aide à avancer. Tous ceux qui voient que c'est lui qui vient de demander pardon ne savent pas ce qu'il fait. Ce dernier se trouve dans l'ignorance. Il ne comprend pas là où nous sommes. Nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans le temps de combattre contre l'injustice et de progresser dans le développement. Au diocèse Ruyigi, l'on rappelle 4 piliers de la justice transitionnelle, à savoir la vérité sur le passé, la justice, la réparation et la non-répétition des faits. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 18h20 à Bujumbura et sur Isanganiro.